Y'a des éléphants roses au plafond, des crocodiles sous mon édredon, des fourmis rouges dans le porte-savon. Mais ça ne fait rien, j'adore mon chien. À l'heure du souper, j'ouvre la soupière. Dedans, y'a des retombées nucléaires. Je préférais les cheveux de naguère. Mais ça ne fait rien, j'adore mon chien. Sur mon enclume, je pose une mouche. Avec mon gros marteau, je vais faire mouche. Je passe mon temps à enclumer les mouches. Mais ça ne fait rien, j'adore mon chien. On est mariés, vois-tu, je t'aime bien. Je mettrais bien mes mains sur tes deux seins. S'il n'y avait pas déjà celle du voisin. Mais ça ne fait rien, j'adore mon chien. Aux enterrements, j'aime bien vivre un brin. Et je mourrai avec un seul chagrin, celui de ne pas pouvoir rire au mien. Mais ça ne fait rien, j'adore mon chien.